Niché devant la cheminée, je regarde voler en éclats la poussière et les papiers, la chaleur dans tous ses états. J'ai pris une photo de toi, reçue il y a de ça 3 mois. Le soleil est derrière toi et la vie est devant toi. J'attends seul dans mon lit que les jours de pluie soient finis. J'attends seul dans mon lit que les jours de pluie soient finis. La la la la la. Devant les fenêtres à carreaux, les gouttes tombent à demi-mot. Le vent souffle sa colère et les braises sont encore plus belles. J'attends seul dans mon lit que les jours de pluie soient finis. J'attends seul dans mon lit que les jours de pluie soient finis. La la la la. Voilà ce jour de mai où tu me dis dans ton courrier, je m'en vais par les nuages et je reviens dans les parages. Suis plus seul dans mon lit, les jours de pluie sont bien finis. Suis plus seul dans mon lit, les jours de pluie sont bien finis.